quand j'écoute la radio. Passer sur les ondes, impossible de se faire connaître quand j'allume la radio. Dix vingt fois dans la journée, les vaches infos à la télé. Dix vingt fois dans la journée, on nous prépare le cul de l'été. Dix vingt fois dans la journée, on nous prépare le cul.